Écoutez les énoncés suivants et observez les différences dans le découpage en groupes de sens. 1. La patronne a reçu un appel. La patronne a reçu un appel. 2. Il est revenu vers 5 heures du matin. Il est revenu vers 5 heures du matin. 3. Son départ lui a causé des ennuis. Son départ lui a causé des ennuis. 4. Nous avons envoyé la documentation par courrier interne. Nous avons envoyé la documentation par courrier interne. 5. Si le budget est accepté, nous en reparlerons. Si le budget est accepté, nous en reparlerons.